Oui, allô? Ah oui, oui, bonjour, merci de me rappeler. Oui, oui, voilà. Avec ma collègue, on sera deux, en effet. Bon, comme je vous disais dans le mail, nous, on va vraiment traiter ça avec toute la confidentialité qui s'impose. Oui, oui. Attendez, pardon, juste un instant. Allô? Non, je vous arrête tout de suite, ça m'intéresse pas. Bah, comme je vous dis, ça m'intéresse pas, donc je veux même pas savoir de quoi il s'agit, non. Oui, non, non, non, mais c'est gentil. Non, mais ça m'intéresse pas, au revoir. Oui, voilà, merci, désolé. Voilà. Oui, oui. Ouais, désolé, voilà. Non, non, bien sûr, je comprends. Oui, mais je ne peux parler trop fort. Oui. Bah non. Oui, oui. Il y a plein de monde autour. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que nous, on a vraiment besoin de... Bah, ça me gêne. D'avoir accès à ces documents pour se préparer. Oui. Avant l'intervention. Bah oui, moi aussi. Attendez, pardon, juste un instant. Oui. Attends, juste deux secondes. Ouais, attends. Allô? Allô? Oui, voilà, merci, désolé. Allô? Oui, je dois bientôt partir, je dois bientôt prendre le train, mais j'ai 5 minutes. Ouais, je vais pas paraître trop fort. Par mail? Oh là là là, mais ça c'est... chez toi, je préfère. Moi, j'ai pas l'impression que ça va intéresser grand monde. Écoute. D'accord. Écoute, tu... Oui, oui, oui, non, bien sûr, oui, oui, alors ça, je comprends complètement. Ouais. Ah ouais. Ouais. Oui, oui. Ok. Voilà, exactement. Oui. Bah oui. Ouais. Oui. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Bah je pense que c'est une bonne idée en effet. Oui, ouais. Oui. Ouais. Bah non. Il y a plein de monde autour. Bon, je te laisse alors. Alors, à tout à l'heure. Ciao.